Cette semaine, nous avons un invité, Benoît Gagnon. On vous parle des boîtiers annoncés au CES 2014, comment choisir un appareil avec ou sans miroir. On vous parle des Sony A7 et A7R et on annonce des objectifs pour les appareils hybrides, dont la gamme NEX. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 46. Stéphane Vaillancourt au micro et je suis avec mes collaborateurs habituels, François Blanchette. Salut. Christian Jarry. Salut. Et nous avons un invité, Benoît Gagnon. Bonsoir. Qui a déjà, qui est déjà venu faire son tour à l'émission. Qui a déjà sévi ici. Oui. Oui, d'ailleurs, je vois que tu as encore les dégâts sur le mur. Oui, défoncé, pas à peu près. Tu t'étais fâché. Mais je comprends pas pourquoi tu as gardé le 2x4 encore. J'aime c'est pour nous rappeler de ne pas t'inviter. Oups. Fail, hein? Ouais, vaguement. Un petit peu une erreur. Et d'ailleurs, on s'en reparlera, mais je crois que nous allons te réinviter pour le prochain épisode. Ah ouais? Mais ça dépend si t'es gentil dans celui-ci. Fou comme ça. On commence l'année ou on la commence pas. OK. Donc, bien oui, avant de commencer l'épisode officiellement, on va lancer le nouveau défi photo numéro 10. C'est un bon défi celui-là. Il va falloir que la photo ait une touche d'humour. Donc là, on amène les défis à un deuxième niveau. Fait que je peux juste envoyer une photo de ma face, c'est sûr qu'en partage, je gagne. C'est clair. En tout cas, tu vas avoir des votes. Non, il a dit une touche du mot. Ah! Pas okay. Plein du mot. Ah, OK. Et pour ce défi, on a un autre prix de Blurb, les livres photos. Donc, 50 € si c'est un gagnant en France et 75 $ canadiens si le gagnant est au Québec ou au Canada finalement, mais je présume que la plupart de nos auditeurs sont du Québec. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Sûrement l'accent. On en a peut-être en Acadie, mais on les salue. S'il y en a un, faites-nous signe, on aimerait vraiment ça le savoir. Bon, et on va enchaîner avec quelques petites nouvelles rapides. Alors, Christian, tu vas nous parler d'une bonne nouvelle de la part de Fuji. Ben oui, moi, je trouve ça super intéressant. Fuji, plutôt que de prendre l'habitude des autres de manufacturiers de sortir des nouveaux appareils en délaissant les anciens, ils ont promis qu'ils continueraient à les supporter en leur donnant des nouveaux micro-logiciels aussi fréquemment qu'ils le peuvent. Je trouve que c'est une bonne approche. Ils considèrent que le monde, quand ils investissent un certain montant d'argent, ils veulent le rentabiliser sur un certain bout de temps. Je trouve que, bon, c'est sûr que c'est du marketing. Il y a personne qui s'en cache là, tu sais. Mais quand même, malgré tout, au moins, quelqu'un qui s'en rend compte, c'est déjà bien. Mm-hmm. Espérons que ça continue. La seule chose, par contre, les fans qui auraient aimé ça avoir un full frame, plein capteur, Fuji, pas de suite. Ouais, ça a l'air qu'il n'y a rien dans leur plan pour le moment, là. Non, une des raisons qu'il expliquait, dans le fond, c'est parce que c'est tout rapport avec les objectifs. C'est tout ça qui est le problème, parce que ça cause certaines limitations, problèmes, puis le fait qu'un objectif sur un plein capteur ne fonctionnera pas sur les autres, en tout cas, ça leur donne des limitations qu'ils ne sont pas prêts à vivre avec, en tout cas, pour le moment. On vit un peu le problème, Benoît et moi, parce que c'est de ça qu'on va parler un peu tout à l'heure, la nouvelle gamme de les Sony Alpha, A7 et A7R. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs au lancement. On les attend, les objectifs. Il y a un objectif kit avec l'A7, mais qui est un 28-70, je crois. Je pense que c'est ça. Mais pour l'avoir essayé, il est correct, mais sans plus. 70, 28, je m'en rappelle. C'est soit 24 ou 28 à ouverture variable, ouverture maximale variable. Et c'est ça. Donc, il y a plein d'objectifs pour la série NEX. Et les appareils alpha sont rétrocompatibles, mais on perd beaucoup de mégapixels, comme moi, l'A7, qui passe de 24 à 10 mégapixels quand j'utilise un objectif NEX. Ouais. Oui, c'est compatible, ça peut être utile, mais c'est vraiment pour dépanner rendu là, quand on perd plus que la moitié de la résolution, là, finalement. Donc, je comprends que Fuji dise, s'ils se mettent à faire des appareils plein capteur, ça prend une nouvelle gamme d'objectifs. Puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à investir là-dedans ils ont déjà investi dans le capteur rogné avec plusieurs objectifs parce que... Puis tout comme c'est des procédés de manufacture doublés parce que tu peux pas faire l'un et l'autre, faut que tu fasses les deux. Ton marché est probablement plus petit parce que ton appareil est plus cher, fait que Bref, mm-hmm. pour le moment, eux autres, ils ont décidé que ça serait pas quelque chose qu'ils envisageaient. Par contre, ils ont dit qu'ils donneraient un capteur un peu plus gros que 16 mégapixels d'ici peu. Fait que ça aussi, ça peut être quand même intéressant. Oui, en effet. Parfait. Et on va passer aux annonces de boîtiers pour 2014. Il y a eu carrément une pléthore d'appareils qui ont été annoncés au CES, mais vraiment des appareils pour le grand public. Beaucoup d'appareils compacts, puis des caméscopes aussi, mais en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'appareils réflexes et je pense à peu près pas d'appareils professionnels qui ont été annoncés là, là parce que les fabricants attendent surtout les grands salons de la photo pour lancer leurs appareils phares ou leurs appareils semi-pro et pro. Donc, je vais y aller avec une énumération des modèles, puis vous commentez quand vous voulez, s'il y en a qui vous sont tombés dans l'œil, ouais. Que ce soit Benoît, François, Christian. Donc, on commence, puis j'y vais par ordre alphabétique, et d'ailleurs, vous pourrez retrouver la liste sur le blog de Best Buy. Pas pour faire de la publicité, mais c'est, je l'ai fait, j'ai fait la recherche déjà, mm-hmm. donc... blog auquel je participe par ailleurs. Oui, Benoît participe, hein, non, c'est ça. Alors... c'est des coïncidences, c'est des coïncidences. Oui, oui, des choses qui arrivent dans la vie. Donc, on commence par Canon, pour y aller en ordre alphabétique, et l'ordre dans lequel j'avais rédigé ma liste. Donc, il y a le Canon ELF 340HS, un appareil très compact, là, qui a 16 mégapixels, avec un bon petit zoom, un zoom 12X, qui équivaut en 35 mm là, à 25 à 300 mm. Donc, une bonne plage focale. Oui, celui-là, moi, c'en est un qui me parlait. Je trouve qu'il avait l'air, selon ses caractéristiques, quelque chose de potable pour un prix pas trop dispendieux. Je trouve que pour quelqu'un qui veut commencer, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, mais là, on parle d'un appareil quand même très compact. Hein. Ouais, ça se glisse dans une poche, puis on l'oublie là ou presque. Là. C'est toujours mauvais. Oui, c'est vrai. Vidéo 1080p aussi, puis partage Wi-Fi et NFC, donc c'est bien. Ceux qui ont un appareil... Beaucoup de fonctionnalités pour un petit appareil. Oui, c'est ça. Puis si vous avez une tablette Android avec votre appareil photo, vous les jumelez en NFC, c'est très rapide, puis les photos se transfèrent. Bel appareil pour le voyage. Là, oui, oui, mm-hmm. exact. On a aussi le PowerShot SX600HS. Donc, un autre capteur de 16 mégapixels, un zoom optique de 18X cette fois-ci, un boîtier plus gros. C'est sûr que le PowerShot de tout à l'heure, le ELF, était vraiment minuscule. Celui-là, on a un capteur, un boîtier compact de dimension raisonnable. Donc, on parle d'une focale de 24 à 450 mm en équivalent 35 mm. Quand même. Donc, ça zoome très loin. Processeur Digic 4+, puis qui peut tourner de la vidéo 1080p à 30 images secondes. C'est pas mal le gros standard maintenant. Ouais. Hein? Ouais. Tous les appareils. Rare, là, que... Mais maintenant, on va en trouver qui font du 60 images secondes ouais. ou qui peuvent faire du super ralenti en 720p. Ouais. Là. Donc, c'est ça. Puis cet appareil-là offre 32 modes scène, donc que ce soit de nuit, feu d'artifice, flamenco. Semi-nuit, ouais, ouais. C'est ça. Mais il n'y a pas de mode sous-marin parce qu'il ne résiste pas. Il est pas. Exception. Ouais. Il y a le N100 qui est un appareil vraiment. Étrange. Oui. Ben je dirais pour débutants ou pour les adolescents, peut-être. Jeunes. Je dirais jusqu'à enfant quasiment. Moi. Presque enfant, hein, oui. Mais il y a un bon processeur, un Digic 6 dedans. C'est ça qui est étrange. Ouais. Je trouve la décision bizarre un peu par rapport à ça. Puis, c'est bien parce qu'il y a une ouverture maximale de f1.8. Donc, ça laisse entrer beaucoup de lumière pour... peut-être que c'est là que ça peut devenir intéressant. Là. Il y a un petit écran pivotant. Donc, moi j'ai vu cet appareil-là, c'est bien celui que je pense. Le case est assez grossier. Là, ça semble être du gros plastique. Ouais, du gros plastique blanc. Moi je l'ai vu surtout dans peut-être certains contextes de travail particuliers où tu ne veux pas nécessairement avoir un appareil qui est très beau parce que tu sais que tu vas le salir un peu. Ouais, peut-être. Des fois, les chantiers de construction, les choses. Ouais, c'est comme vrai, ça, prendre des photos sur un chantier. Je sais pas, prendre des selfies sur un chantier. Des selfies, ouais, parce que l'écran. Ton équipe de travail. Bon, enfin. Mais c'est ça, un petit appareil quand même abordable. Là, puis je ne listerai pas tous les prix, sinon on sortira pas de ce topo-là avant la moitié de l'épisode. Mais tu as un magnifique blog qui les dit tous, anyway. Non, je ne les dis pas tous non plus sur le blog, mais enfin. Tu as fait ta recherche. Je suis déçu. Il y a dans la famille Nikon, il y a beaucoup de Coolpics qui ont été lancés. Il y en a 5, je crois. On parle du S3600. Un capteur de 20,1 mégapixels, un zoom 8X, stabilisation sur 4 axes, très intéressant. Très bien. L'écran, par contre, 230 000 points, c'est un peu faible, mais c'est un appareil d'entrée de gamme, là. Ensuite, on passe au S5300, un autre zoom 8X avec Wi-Fi et la technologie Smart Portrait System de Nikon qui détecte les visages et adoucit la peau. Mais ça Photoshop peut, intégré. Oui, ouais, mais c'est ça qui s'en vient de plus en plus. C'est-à-dire les transformations qui sont faites à la volée directement dans l'appareil. Ouais. Ouais. Mais heureusement, toutes ces options-là, on peut les enlever. Les activer. Ouais, oh, oui. Donc, perdez 10 livres grâce à votre appareil. C'est ça. On va en acheter 4. Moi aussi. On passe au S6800, un zoom de 12X cette fois-ci, toujours Wi-Fi, et ce qu'ils appellent le Target Finding EF. Donc, ça tente de déterminer de façon intelligente le sujet de votre photo. C'est vraiment, ça va détecter probablement les visages ou les personnes, ou s'il y a un building en plein milieu de votre cadrage, ben il va savoir que c'est le building que vous essayez de prendre probablement. À un certain moment donné, ils vont devenir bons avec ça, mais disons quand jusqu'à date, c'est pas gagné. Là, non, ben en fait, c'est parce que les appareils, je présume, qu'ils se basent tous sur une banque de données de photos. Et si c'est pas une banque de données très artistique, très avec un peu d'abstrait ou quoi que ce soit, l'appareil pourra jamais deviner, là, peu importe l'algorithme, il ne saura pas que tu essaies de prendre juste un poteau de... Ça peut être pratique dans certaines situations, on s'entend. C'est ça. C'est des appareils pour, pour quelqu'un qui prend des photos de famille, des affaires comme ça, etc. Là, mais ça ne complique pas la vie. On en parle parce que ce sont des modèles justement qui sont pas très chers, qui sont abordables et qui peuvent servir justement à un peu tout le monde. Ouais. Donc, ou même... Vous voulez pas apporter votre gros appareil en voyage, comme on disait, ben c'est des petits appareils compacts qui se traînent très bien dans une poche ou dans un sac à main, quelque chose comme ça. On a le Coolpix L830, un appareil de 16 mégapixels avec un zoom impressionnant de 34x. Donc, on part d'une focale de 22,5 à 765 mm, messieurs. La photographie d'oiseau sans... Oui. sans canon. Ouais. Mais je serais curieux de savoir au bout de l'objectif, on parle de quelle qualité optique. Là, ben, t'sais. C'est ça. Puis il doit... Ça commence à être en poussé, général, ça dégrade beaucoup. Ça va très vite. Dès qu'on dépasse les 200 quelques millimètres, si tu n'as pas de stabilisation, là, ça prend beaucoup. Ah, mais je parle juste de la qualité de l'objectif. Non, la qualité de l'image aussi. La lentille, des lentilles. C'est ça, tu perds beaucoup de détails en général. Mais bon, quand même intéressant. Je veux dire, nous autres, on est des snobs de photos, mais... Parle mais... pour toi. Non, mais c'est dans le sens que je veux dire... Non, parle mais dans pour sens moi que... aussi. On a plus tendance à voir des affaires. Je montre des photos des fois à ma blonde, puis elle dit, c'est correct, cette photo-là, puis je suis comme, on regarde, il y a ça, puis elle dit, ah. Oui, c'est ça. Ben, pour beaucoup de gens, l'important, c'est de capter le moment, le souvenir, puis c'est très correct, c'est très acceptable aussi. Mais nous, on aime la photo au point de vouloir... Ben, c'est le détail. Ben, c'est ça, le détail technique ou le détail artistique qu'on va chercher, puis c'est ce qui fait qu'on aime la photo de toute façon plus que la moyenne des gens, disons. Enfin, moi, je trouve que le L830, en fait, lui, par exemple, c'est pas un compact, c'est un bridge. Un bridge. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un si gros zoom, mais ça offre une meilleure prise en main parce qu'il y a une espèce de poignée sur le côté droit. Petit défaut, il n'y a pas de molette des modes sur le boîtier, donc je présume que ça se prend par un menu si on veut passer en mode ouverture ou en mode vitesse ou en mode manuel. Donc, il n'y a pas de viseur optique ou numérique non plus, mais il y a un flash intégré. Donc, à 700 kicks, c'est super utile. Oui, c'est ça. Le flash a une portée de 9 mètres. Ouais. Et à peu près le seul réflexe qui a été annoncé au CES, en tout cas à ma connaissance. Ouais, moi, c'est un peu ma surprise. Je pensais qu'elle en avoir plus que ça. Qui est en fait une mise à jour. C'est le D3300, donc mise à jour du D3200, évidemment. Petit réflexe abordable. C'est parfait pour commencer en photo. Un bon appareil de 24,1 mégapixels. Une plage ISO qui va jusqu'à 12800. Mode rafale à 5 images secondes. Des 13 modes d'effets spéciaux. Donc... Un bon réflexe, là, un Nikon comme on les connaît. Ensuite, du côté de Panasonic, avec les super noms de Panasonic, le DMC LZ40, 20 mégapixels, un zoom 42X, et ça aussi c'est un bridge. Donc, ils sont tous dans la gamme Lumix, ceux-là. On a un mode automatique intelligent, stabilisateur d'image, détection de visage, vidéo 720p seulement, en tout cas, d'après ce que j'ai lu. Des trucs pour faire des retouches, de la retouche créative, des filtres, etc. On a le DMC ZS40 qui offre un zoom 30X quand même, très intéressant. 24 à 720 mm en équivalent 35. Vidéo 1080 à 60 images secondes. Mode rafale 10 images secondes. GPS intégré. Un zoom macro. Et tous les autres effets. Sans être absolument exceptionnel, je trouvais ça pas pire. Moi, il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Oui, tu sais, il est intéressant, lui. Ouais. Mm-hmm. Il sort un peu du lot. Côté Polaroid, Polaroid qui renaît de ses cendres. Le Polaroid Socialmatic, c'est l'appareil photo Instagram dont on entend parler depuis un an et plus. Là. Ouais, ouais. Un petit appareil carré, pas très épais, mais qui comprend une imprimante pour sortir des petites photos d'à peu près 2 pouces par 3 pouces. Donc, on parle de quoi? 5 cm par 7,7. C'est cute. Comme appareil de party. Oui, ouais. C'est ça le fun. C'est un petit souvenir rapide. C'est sûr que tu fais jaser avec ça. Ça. Oui, l'affaire, c'est toujours le prix. Là. Tu veux-tu te payer un appareil à, mettons, 300-400$ pour un party? Mais... c'est ça. Non. Mais ça peut être intéressant pour peut-être les entreprises qui ont un petit kiosque en quelque part puis qui veulent justement... offrir un petit souvenir, je sais pas. Y a un capteur quand même 14 mégapixels et puis y a un appareil de 2 mégapixels à l'arrière pour les autoportraits et pour capter la réaction du photographe en prenant sa photo. Ouais, c'est-à-dire une grimace. Ouais, souvent, ouais, un œil qui cligne un peu à moitié fermé. Surtout avec cet appareil-là. C'est ça. évidemment, on va pouvoir partager ces photos via le réseau Wi-Fi ou les copier sur un téléphone cellulaire ou tablette via Bluetooth. Écran tactile de 4,5 pouces, quand même intéressant. Ouais, c'est gros. Il y a 4 gigs d'espace intégré à l'appareil et un lecteur de carte micro SD. Donc, quand même des petites options intéressantes. Mmh. Ça peut être un appareil mignon, justement. Ben, comme là, moi, ma fille est rendue à 10 ans. Ça peut être un appareil intéressant que, avec ses amis, justement, elle peut imprimer une photo, elle donne à son ami tout de suite. Puis, Tu vas en avoir collé partout ses murs. Tant que c'est sur son mur, à elle, c'est moins pire. Du côté de Sony, on a le A5000 et c'est un nouvel appareil qui fait partie, on dirait, de la famille NEX, mais cette appellation-là va disparaître avec le temps. Il n'y aura plus d'appareils NEX comme les NEX 5, 6 et 7. On passe à une NEX affaire. Oui, NEX. Donc, on tombe tous les appareils Sony ou presque, en tout cas, vont être dans la famille Alpha. Donc, évidemment, avec plus le chiffre va être petit, un peu comme Nikon et Canon, plus c'est un appareil haut de gamme. Donc, A5000, évidemment, on tombe dans probablement le bas de gamme de cette famille-là, là, des objectifs interchangeables. Et donc, c'est un appareil hybride comme les NEX 5 et compagnie. Par contre, il est ultra léger et compact. Il ne pèse que 210 grammes, 7,4 onces pour ceux qui ont un point de repère en onces dans le système impérial. C'est vraiment pas lourd. Et c'est sans la batterie, mais bon, je présume que la batterie ne va pas peser autant que l'appareil. Ouais. On parle d'un capteur APS-C de 20 mégapixels, un objectif 16-50, donc à peu près l'équivalent justement de NEX 6 et compagnie, mais plus léger. Ah, un écran qui pivote à 180 degrés, ça devient la mode, les fameux selfies. Il y a du Wi-Fi et du NFC, ce qui n'avait pas le NFC, je crois, sur la série NEX. Ensuite, il y a le Cybershot W830, un appareil très compact. On parle de 9,5 cm par 5,4 par 2,3. C'est vraiment tout petit. Capteur de 20 mégapixels, zoom optique 8X, vidéo 720p. Il pourra détecter jusqu'à 8 visages avec des modes priorité aux adultes, priorité aux enfants, et un paquet de petits trucs. Seulement 120$ US environ. Quand même intéressant. Ouais, c'est quand même pas dispendieux. Non, non. Puis, il y a eu aussi une grande... une pléthore encore, on pourrait dire. Il y a eu au moins quoi 15 caméscopes qui ont été annoncés. François, je pense que tu en as ciblé quelques-uns. Ça, c'est intéressant parce que quand la liste sort, je regarde vraiment ce qui sort. Puis moi, je veux vraiment aller voir qu'est-ce qui est différent. Sony a sorti... là, on est dans Sony toujours. Les caméscopes, ils ont sorti une gamme, comme tu dis, plusieurs appareils caméscopes. Le plus... haut de gamme dans cette sortie-là, ça se trouve être la AX100. C'est un caméscope 4K de la série Handycam. Donc, Handycam, ça existe depuis toujours. Ouais, ouais. Vous savez c'est quoi? C'est la petite fameuse caméscope qu'on tient dans sa main droite la plupart du temps. Ouais. Puis, bon, ben c'est un appareil intéressant pour le semi-professionnel parce que ça fait du 4K. 4K, ben, ça s'en vient au niveau standard tranquillement. En tout cas, c'est là que les constructeurs visent le plus. Je pense que le 3D, on commence à le perdre de plus en plus. Mmh. En le tout cas, quoi? Surprise! C'est pas l'effet escompté par les constructeurs. On s'en va vers le 4K, puis même le 8K qui est déjà en préparation du côté des Japonais. Mmh. Mais bon, pour nous ici, c'est le 4K la grosse affaire. Donc, le caméscope fait du 24 et du 30p, qui est des standards qu'on voit beaucoup dans les émissions de télé, par exemple. J'en sais quelque chose, parce que je filme beaucoup en 30p puis en 24p. Et l'appareil est muni de paquets de petites choses qu'on retrouve sur nos appareils smartphones, nos téléphones intelligents ou même nos téléviseurs. Tout ce qui est connecté à cette heure, qui est connectable, on va l'ajouter à toutes les technologies possibles parce que les caméscopes, mon avis, c'est que ça commence à mourir tranquillement à petit feu parce que la qualité de nos autres appareils s'améliore, mais pas à peu près. Donc, on peut contrôler le caméscope avec une app Android, iPhone, ça fonctionne. On peut streamer sur la TV directement de la caméra. Mais bon, on s'entend, ça ne sera pas en 4K. Oui, ça oui. va être un stream de basse résolution, probablement. Ça se fait par Wi-Fi ou par NFC. D'ailleurs, NFC, je pense que là, c'est l'année NFC. Oui, ça va être En tout cas, je l'entends souvent. Ça a commencé deuxième moitié de 2013, le NFC, surtout avec Sony, justement. Oui. Sony pousse le NFC pour que ce soit les téléviseurs, les haut-parleurs, à peu près tout, téléphone, évidemment, et tablette. Donc, Handycam 4K se détaille à 2000$, c'est intéressant pour quelqu'un qui filme sérieusement. Oui, qui fait beaucoup de vidéos. Oui, mais pas professionnel. Il n'y a pas les entrées XLR pour le son. Le beau-frère qui fait beaucoup de photos de vidéos de famille, qui veut filmer le mariage de tout le monde. En 4K, pas de trouble. Puis aussi, tant qu'il y a ça dans Sony, j'ai vu aussi... en tout cas, selon moi, un sérieux contender, je ne sais pas comment dire ça, mais en français. Un aspirant très solide au GoPro Hero 3. Oui. La Sony AS100VR, qui est vraiment la réplique de Sony à ce qui se fait chez GoPro, qui a vraiment pris le marché. Là. C'est fou voir le nombre d'accessoires que cet appareil-là peut avoir sur le marché, mais Sony, avec son offensive, a des fonctions vraiment intéressantes. En partant, Le boîtier, il résiste à l'eau. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé de mettre un petit boîtier transparent par-dessus, comme GoPro. Mm. Bon, on s'entend, on ne peut pas plonger avec. Ils font quand même un boîtier pour ceux qui voudraient aller plus profondément dans l'eau. Avec. Okay. Sinon, à l'origine, on peut l'éclabousser, il n'y a pas de problème, il peut neiger dessus, ça fonctionne. Okay. Y a aussi un mode RAW, l'équivalent du mode RAW, c'est-à-dire qu'on peut shooter en mode neutre, c'est-à-dire que c'est en post-production qu'on va pouvoir appliquer des couleurs, des contrastes vraiment plus poussés à la même façon qu'on fait en photo, le JPEG versus le RAW. C'est parfait pour les émissions de télé. Il y a une entrée micro écouteur là-dessus. Il y a un petit écran qu'on porte au poignet. Et ça fait office aussi de télécommande. Donc, on peut partir, arrêter la caméra de son poignet au lieu de l'avoir comme un porte-clés comme l'Aero 3. Ça, je trouve ça vraiment, c'est une maudite bonne idée. Ben oui. GoPro aurait pu penser à ça, mais ils sont faits d'Amelpion là-dessus. Et puis, ben, même chose, on peut contrôler Wi-Fi, il y a des applications pour contrôler tout ça. Alors, c'est vraiment un très bon aspirant. Parfait. Et qui parle vidéo et pour filmer, en fait, que ce soit vidéo ou photo, parle aussi d'éclairage. Et tu avais découvert un site sur l'éclairage? Oui. C'est un site qui s'appelle The Strobist, ou Strobist, tout court, je ne me rappelle plus. En fait, ça, je suis tombé là-dessus, c'est un site vraiment incroyable. C'est la bible de la photographie de l'éclairage. Rien de moins. En tout cas, j'ai rien vu de tel sur le web qui est aussi détaillé. Okay. C'est vraiment ultra complet, puis ça enseigne absolument toutes les facettes de la photographie. J'en ai vu des sites de même, là, mais... Lui, c'est vraiment, là, j'arrêterai pas de le dire. Mais ça parle pas juste de lampe fixe, ça va parler de flash aussi? Ou... Ça parle de tout ce qu'on doit utiliser ou ce qu'on peut utiliser pour éclairer. OK. C'est vraiment... il y a les flashs. On va parler des trépieds, comment faire rebondir la lumière, la balancer avec l'environnement, par exemple, le soleil, les lampes qu'on a à l'intérieur de la pièce, Tu sais, comment avoir la bonne température de couleur aussi. Parce que quand on a des fois différentes sources de lumière, ça peut être un problème. Oui, oui. Ben, t'en avais parlé. J'en avais parlé. Il y a quelques épisodes. Le site, ce site-là en parle très bien. C'est un site qui existe depuis 2006, puis c'est bourré d'archives, ce site-là. Donc, il y a vraiment un paquet de gens qui interviennent, style forum de discussion, ou qui postent leurs photos, puis qui disent « voici de quelle façon je l'ai fait ». Donc, c'est vraiment tutoriel, c'est vraiment bien axé pour l'apprentissage de l'éclairage en photo. Ça serait bon pour moi. Moi, je suis un nul. Mais écoute, aussi, pour ce qui est tout ce qui est éclairage, flash, franchement, t'as pas besoin d'être un nul pour triper. Je suis pas un nul. Je me considère pas un nul en lumière, mais je me considère pas non plus un maître, loin de là. Fait que ce site-là, j'ai vraiment... Et je vais encore passer des heures dessus à aller voir. C'est pas un maître en lumière, mais il est directeur photo quand même. Ah, ouais, c'est ça. Il y a des petites bases. Ah, il y a des titres de même, là, il y a vraiment des mises en situation vraiment super concrètes. Je vais vous donner un exemple. On peut trouver comment utiliser un flash devant un coucher de soleil. Okay. Ça, c'est quelque chose qui nous est tous arrivé. T'es dans le sud, t'es en voyage, puis c'est le coucher de soleil, c'est le temps de faire une photo de ta copine. On pense qu'on l'a, on l'a pas tout le temps. Il y a des trucs là-dedans qui sont super pratiques. Comment photographier un écran d'ordinateur? Ah, parce que là, à cause du refresh rate, le taux de rafraîchissement, des fois, la caméra va pogner une ligne de travers, tout ça. Quand on filme aussi, souvent. Hein? Oui. Quand on filme aussi. Moi, je filmais, et je ne vous mens pas, le week-end dernier avec mon Sony A7, et je voyais le rafraîchissement des néons dans ma vidéo. Waouh! Je te jure. Oui. Là, j'ai dit, comment je vais régler ça, ce problème? Ça, c'est une question de... Tu filmes pas de néons. Ouais, c'est ça. J'étais dans une salle de quilles au bowling. Je peux pas éteindre les néons. Non. Donc, excusez, j'allais fermer lumière. Plus important, moi, que les autres. On allumera 3-4 chandelles, puis je vais filmer ensuite. Fait, comme je disais, chaque photo qui nous est démontrée est expliquée avec une autre photo, c'est-à-dire une photo plus large, puis là, on comprend comment que la personne a fait son éclairage. Fait que tu vois le résultat et tu vois comment ça a été fait. Fait que ça, c'est hyper clair. Ouais. Super facile à comprendre. Cherche le mot, mais c'est... intuitif. En fait, quelque chose comme ça. C'est vulgarisé. C'est à voir, c'est à visiter. C'est super ludique. Ah, bon. Voilà. Donc, le photographe, il donne carrément sa recette aussi technique. J'ai utilisé tant de spots, tant de lumière. À quel endroit je l'ai placé, puis tu le vois avec la photo. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est en anglais seulement, mais la personne a pris soin d'intégrer Google Translate. Ah. Donc, avec un petit drop-down menu, un espèce de menu qu'on peut sélectionner la langue qui nous intéresse. Il y en a vraiment une dizaine de langues, quelque chose comme ça. Ça vous donne des phrases comme « Je prie lumière, soleil, direct dans mes poches. » Mais quand tu vois le tas d'informations qu'il y a là-dessus, si tu n'es pas à l'aise en anglais, tu vas vraiment... Ça peut dépanner. Ah, beaucoup. Moi, vraiment, c'est une belle découverte que j'ai fait, ce site-là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Benoît. Yes. Est-ce la fin des DSLR, des réflexes? Oui. On pense à un autre sujet. Non, mais non. Attends. Non. Christian n'est pas d'accord. Non, mais moi, c'est parce que je le vois dans une perspective plus large. Mm-hmm. C'est-à-dire que je le vois dans la perspective de l'électronique maintenant. Donc, c'est-à-dire que les appareils photo sont maintenant des appareils électroniques avant toute chose. Mm-hmm. Et, je veux dire, depuis les dernières années, la tendance qu'on voit en général dans... l'électronique, c'est d'essayer de sortir les pièces mécaniques, les disques durs. Oui, oui. Là, dans pas long, je veux dire, moi, mon MacBook Pro, ça fait quoi, 3 ans que je l'ai, il venait pas avec un il n'y a pas de lecteur de disque optique. Ça doit faire des mois que j'ai pas utilisé un j'en ai un, moi, j'ai un MacBook ordinaire, j'utilise même pas le lecteur depuis des années. Donc, moi, je pense que les DSLR tels qu'on les connaît, là, c'est-à-dire avec un miroir qui bouge, Ça va être appelé à disparaître pour la simple et bonne raison que c'est une tendance lourde. Moi, je dis que ça va... T'as raison. Pour le marché consommateur, vrai. Professionnel, pas convaincu encore. Ça va prendre un petit bout. Pourquoi? Parce que t'as le capteur optique. T'as le viseur optique. C'est tout la différence du monde. Tu sais, j'ai essayé votre A7 ici. Très, très bon. Très, très bon. Franchement, le mais non. S'il y a encore quelque chose, Benoît, les couleurs sont pas parfaites. Les couleurs sont pas parfaites. T'as toujours une petite chose. Mais là, tu es en train de me donner des éléments qui sont des détails. Et ouais, en passant... Mais je suis pas le seul à penser. Christian, je suis d'accord, sauf que c'est une question de moi. Là. Ouais. Peut-être, mais c'est ça que je te dis. Mais ceux qui vont mourir le plus rapidement, des SLR de marché consommateur, ça, il n'y a pas d'autre là-dessus. Ce que je dis, c'est le professionnel. Non, ça mais... va prendre plus de temps avant de l'avoir. Vous, c'est sûr que ça va venir. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Il va toujours en garder, mais il en restera de moins en moins. Moi, je te dis, là, comme ils disent en anglais, « I beg to differ », il y a de plus en plus de professionnels qui ont passé à la série NEX, qui est pourtant un capteur Rogner, qui passe au Olympus, qui passe au Fuji. Il y en a. Et l'avantage avec ça, c'est que tu as un des plus gros avantages avec certains appareils, c'est que tu as un mode bulb, là, le mode bulb, live. Tu vois l'exposition augmenter avec le temps. Tu peux pas faire ça avec un viseur optique. Tu le vois directement, soit à ton écran ou dans ton viseur. Encore une fois... Ça dépend de ce que tu fais. Oui, oui, absolument. Mais tu vois, justement, ton exposition, ta balance des blancs, tu peux voir, t'as un paquet de trucs. Mais je vais t'en donner un autre exemple, moi, pourquoi je pense que c'est pas avait de mourir. Pourquoi? Les objectifs. Parce que t'as... Ben, c'est tout... Non. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. C'est qu'en ce moment, t'as une gamme d'objectifs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, mais t'as aussi, et il ne faut pas oublier, les objectifs que ça fait longtemps, tu sais, des usagers, des choses comme ça. Ça paraît, c'est ça aussi, c'est un gros marché, c'est une grosse affaire. C'est pas à veille de disparaître complètement. Il va y avoir une réduction. Je m'ostine pas avec vous autres là-dessus, ça, je suis 100% d'accord. Mais moi... Ouais, mais je veux dire, il reste encore des appareils qui utilisent du film aussi. Exact. Ouais. Donc, oui, ça disparaîtra pas à 100%. Le legacy va demeurer. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire... Ben oui, OK, je connais du monde qui ont encore Windows 98. Est-ce que c'est des gens qui sont... Non, il y en a qui ont encore XP. Même moi, au bureau. T'sais. Oups, excusez. Est-ce que c'est des gens qui sont... réfractaires? Oui, tu sais, c'est ça. Ben, peut-être un peu, mais... Oui. Tu sais, je comprends certains professionnels qui sont habitués à travailler avec leur matériel aussi. Mais à un moment donné, que tu sais... Quand les nouveaux boîtiers vont sortir, puis là, ils vont faire, j'en ai plus. Puis le marché leur donnera pas le choix aussi. Ça aussi, j'en suis conscient. À un moment donné, ça va tout simplement tomber comme des mouches. Là. Moi, j'ai vécu exactement ce que t'amènes, Benoît, comme point. En télévision, j'ai appris avec les Betacam. Ça, ça a duré, là. Ça a eu une durée de vie incroyable, puis ça a été standard pendant tellement longtemps. Il commençait à arriver d'autres technologies, d'autres façons de tourner. Puis en ce moment, si tu ne suis pas le pas, ben c'est les jeunes qui te lancent. Parce qu'il n'y a pas d'ancienneté quand tu es très autonome. C'est les jeunes qui viennent te chercher parce qu'eux, ils ont connu tout de suite en partant la technologie présente. Ouais. Mais c'est pareil. C'est la même chose même dans mon milieu. En téléphonie, c'est pareil. Je veux dire, ils sont sur des vieux systèmes PBX, mais ceux qui commencent sur Cisco ont la longueur d'avance. Ouais. Mais c'est toujours ça. C'est sûr que ce que le new kid on the block, le petit nouveau, va avoir un aura plus important et tout ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont encore rester avec le DSLR. Ouais, c'est sûr que, bon, par exemple, l'appareil Sony, là, moi, j'ai fait le switch complètement. Ouais, ouais. Parce que, pour moi, le type de photo que je fais, c'est pas un problème. Mais je comprends que certains vont trouver que ce genre d'appareil-là, c'est un problème. Parce que c'était pas un autofocus aussi rapide. Ouais. Puis t'as un problème de perception, comme je parlais au dernier épisode ou il y a deux épisodes. Tu vas arriver dans un mariage avec un A7 ou A7R. Ouais, les gens vont dire, mais c'est quoi cet appareil-là? C'est pas un gros DSLR. Mais ça va passer. Je ça pense va passer aussi. Mais moi, je pense à plus loin que ça même. Tropicalisé. Non, pas encore vraiment. Tu l'échappes, là. Ça, là, c'est pas une brique en magnésium, mais tout le cas. Oui, là, en magnésium. Complètement. C'est pas pire. Lui aussi, sauf la plaque frontale. OK, A7. C'est pas pire. Mais en général, je veux dire, il y en a beaucoup qui le sont pas quand même, malgré tout. Là. Mais c'est le pas tropicalisé aussi, Benoît, là, A7R. Je pense qu'ils sont tropicalisés, mais c'est pas waterproof. Que... Non, c'est ça. Pas autant que le. Waterproof. Pas autant que le top de l'air. S'il pleut, t'es correct. Il s'agit juste de faire attention. Mais on n'est pas à mon s'il y a la mousson, là, on oublie ça. Ça va pas dehors. Mais s'il tombe quelques gouttes, il n'y a aucun problème. Non, c'est ça. Tu sais, puis je veux dire. En tout cas, je serais curieux de le voir, mais tu sais, je me vois mal utiliser un A7 avec un objectif de 800 mm, là, tu sais. Ouais, mais l'objectif est moins gros aussi. Tu sais, il est fait pour l'appareil. Ouais, on va voir, là, mais je vous dis, tu sais, c'est comme... Je sais pas. J'ai l'air du vieux réfractaire, là, non, mais peut-être. Il y a une chose, on pourrait parler de grosseur de capteur aussi, parce que ça, c'est physique, là. Mm-hmm. Quand on a un plus petit capteur, on a une plus grande profondeur de champ. Donc, si on recherche... une petite profondeur de champ tout le temps, ben on va rester dans les gros appareils. Là. En fait, dans les DSLR. C'est full frame, ça, c'est du 35 mm. Ouais, 24 par 36 mm. C'est exactement le même capteur que dans un 5D Mark III, mettons, côté grandeur. Ouais. C'est vrai. Mais tu vois, j'en ai encore à apprendre. Non, mais tu vois, mais l'objectif. Ça, c'est pour ça que moi, c'est, ce genre d'appareil-là, c'était idéal pour moi. J'ai fait le switch parce que moi, ce que je fais, c'est de la photo paysage urbain, paysage. Ah, ça, c'est génial, cet appareil-là. C'est, pour ça, je le transporte, c'est léger, t'as pas de casse à la tête. Ouais. Le problème d'autofocus, c'est qu'un paysage. C'est pas ton côté le plus important. Et ce qui est génial, un autre avantage du viseur numérique, c'est que en faisant ton focus, justement, ta mise au point, tu peux tourner la bague de mise au point manuelle et ça zoome pour t'aider à faire la mise au point vraiment de façon plus précise, ce que t'as pas avec un viseur optique. Donc, si tu es à 200 mm, puis tu veux vraiment faire ta mise au point précise. Oh ouais. Tu tournes, puis ça double encore ta focale. Mmh. Tu es vraiment plus rapproché. Tu sais, il n'y a pas de raison que tu rates ta mise au point sur ta photo à ce moment-là. Là, tu as un petit bouton en plus pour barrer ta mise au point que tu as faite de façon automatique ou manuelle. Tu prends ta photo, merci, bonjour. Il y a vraiment... Moi, je trouve, en plus de l'aspect poids et grosseur, il y a beaucoup d'avantages aux vous hybrides. Moi aussi, j'ai fait vous le... êtes même pas nerd. Mais non, on a fait le saut parce qu'on avait des raisons de le faire aussi. J'adore mon 60D, mais maintenant, ça fait un mois là, que j'ai l'A7 avec un objectif. Je pense que j'ai peut-être sorti le 60D fois pour prendre une photo genre du A7. T'as pas été capable de prendre une photo du A7 avec le A7, c'est décevant. Ouais, c'est ça. Je fais les selfies de l'appareil. Ouais. Ça prend un appareil assez souple. Oui, quand même. Mais tu vois, ce que moi j'ai hâte de voir, c'est la réplique. Mais moi, c'est ça, j'allais dire. Oui, par contre, les autres, il va falloir qu'ils suivent. Mais vont-ils vouloir parce vraiment? Que Canon et Nikon, justement, se fient à l'ancienne garde, à tous les photographes qui ne jurent que par les réflexes à viseur optique et compagnie, les plus gros boîtiers, qui sont généralement plus performants aussi pour le sport, les modes rafales, la mise au point. Ça, je suis d'accord. L'autofocus, mais c'est là que tu vas gagner beaucoup. Ça va venir avec le temps aussi. Là. Ça, on a une première génération, une première version là, d'appareils plein capteur hybride. C'est les premiers sur le marché, mais ils répondent à un besoin, à une demande. C'est avec le succès de la série Next, justement, que Sony s'est dit, ben on va sortir des pleins capteurs. Ouais, disons là, c'est quand même le fun aussi, que Sony arrive avec un produit innovant dans un marché qui est contrôlé par Canon et Nikon. Je l'ai dit dans plusieurs épisodes, Sony, depuis quelques années, m'impressionne. Mm-hmm. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées, poussent loin, ils sont agressifs, ils sont très, très agressifs. Il y a Olympus et Fuji aussi en font beaucoup côté capteur rogné. Beaucoup d'innovations, des bons appareils, très rapides au démarrage, au focus, whatever. Mais là, ils n'ont pas de plein capteur d'annoncer pour le moment. On va voir ce que l'avenir... les choses peuvent changer rapidement. Oui. Mais c'est Canon et Nikon qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'il y a des professionnels qui migrent vers Sony parce que Sony offre un produit... qu'eux ne sont pas en mesure de... Voyons voir, parce qu'ils ont quand même une méchante marge. Là, parce que quelqu'un qui a 20-30 000 $ d'objectifs passera pas au A7 où il y a genre 4-5 objectifs en ce moment? Non, mais tu t'achètes une bague à 300-400 $, tu peux prendre à peu près n'importe quel objectif. Tu peux prendre du Canon, du Nikon, des anciens Sony, des Minolta, de Leica, n'importe quoi. Tu peux prendre ce que tu veux avec... Ça dépend. Évidemment, les gens n'ont pas 2-3 marques d'objectifs, là, mais tu prends une bague à 350 $, paf, tu as tous tes objectifs qui sont compatibles. À la limite, tu n'auras peut-être pas d'autofocus, mais les professionnels, généralement, vont beaucoup travailler au focus manuel aussi. Fait que c'est pas vraiment un problème. Puis c'est pas un coût astronomique. C'est juste que peut-être certains objectifs vont paraître gros par rapport au boîtier qui est plus petit. Ça va être un peu débalancé. C'est une question de perception. Si tu prends, tu parlais d'une 400 mm, ben déjà, si tu mets ta 400 mm sur un trépied, c'est l'appareil qui tient au bout. Ça change absolument rien que ça soit un gros ou un petit. Je sais. Donc, On verra. De toute façon, tu sais, je regarde, Nikon a beaucoup le mirrorless sont très forts là-dessus. Ils ont beaucoup d'appareils. Canon, par contre, j'avoue que leur réplique est pas très forte. Pas grand-chose. Honnêtement, Canon... Autant j'ai trouvé qu'avec le 5D Mark II, ils sont arrivés avec quelque chose de wow. Le Mark III, j'étais un peu déçu. Beaucoup de points de focale. On augmente la qualité du système. Performance ISO est assez phénoménale. Mais c'était une évolution. C'était pas comme, je m'attendais à ce que OK, là, gars, on a un peu comme l'iPhone 5. En fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ben, c'était pas, disons, comme passer du 60D au 70D. C'est ça. Ouais, ça, là, ça la marge est plus un grosse. Oui, justement. La marge était beaucoup plus haute là, entre les deux générations que du 5D Mark II au 5D Mark III. Tu vois, mais... ça a joué dans mon processus d'achat finalement parce que j'avais le 5D Mark II. Bon, j'utilisais essentiellement des lentilles les plus larges possibles parce que je fais du paysage. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, je passe-tu au 5D Mark III? Bon, ça serait intéressant d'avoir peut-être un meilleur ISO que la kit. Puis là, je regardais le prix du Mac 3. C'est mm-hmm. encore très dispendieux. C'est quasiment 1 000 $ de plus que l'A7. L'A7, c'est ça. Là, j'avais entendu les rumeurs, le kit. Là, je lisais. Je trouvais ça intéressant. Puis quand je l'ai vu sortir au prix qu'il était, je me suis dit, OK, bon, ben, je vais faire ce choix-là. T'sais. Puis le poids, pour moi, c'est vraiment un gros avantage. Là. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. Tu vois. Puis moi, je me promène, j'ai ma battery grip, j'ai mes affaires et tout ça. Puis, sais-tu quoi? Ça me dérange pas. Fait que ça dépend. Ouais. Ça dépend complètement des personnes, mais je vous vois, puis je vois les avantages, puis j'aime bien. Je dis pas que j'irai pas pour ça. Il va falloir, tu sais, il y a des améliorations qui, pour moi, sont importantes, qui vont venir éventuellement. Ouais. Tu sais, exemple, l'autofocus, je sais pas si tu l'as essayé avec des enfants, mais tu sais, comme moi, ma 7D, qui est pourtant pas la meilleure autofocus, est rapide comme ça. Oh, puis ça, j'ai aucun appareil que j'ai testé vraiment. Ben, je parle de marque qui est pas DSLR, a été capable d'aller assez vite pour moi là-dessus. Oui, parce que tu as testé beaucoup d'hybrides ou exactement. Ils sont bonnes, c'est bien, mais on est vraiment pas dans la même catégorie. Tu sais, il y a des faiblesses. Là. Je le vois bien, par exemple. La pile, tu sais, ça me tue bien grave. La pile, puis en plus, le fait qu'on ne te donne pas de chargeur, ça, c'est comme, tu sais. Surtout au prix que tu payes, en plus. Ça. Ben, t'as une prise pour aller, t'as un bloc pour aller dans la prise de courant, mais il faut que tu branches après l'appareil. Ouais. Donc, il a fallu... Ça de quoi, la pile, à peu près? On parle de 250 photos, à peu près. Je veux pas dire. On est loin du 1200-1400 là, sur avec le... mes deux batteries, je fais 2400 photos à peu près. J'ai 3 piles 1200. Supplémentaires qui ont été commandées. C'est ça. Mon Dieu. Mais moi, ça me tue un peu. Moi, j'ai 3 piles au total, parce que j'en avais déjà 2 avec le Nexus que j'ai depuis un an. Donc, j'ai déjà 3 piles. Ça m'en faisait une troisième avec l'assiette. Donc, pour le moment, je considère que je suis correct. Là. Ça se décharge-tu pas pire? Je parle si tu l'utilises pas. Non, ça, c'est pas si mal. Si tu l'utilises pas quand il est éteint, t'es correct. Ouais, c'est ça, parce que moi, je évidemment, peux passer plusieurs jours sans utiliser ma 7D, puis je la prends, puis pas de différence. C'est ça, mon 60D, c'est la même chose. Là. Je peux prendre au-dessus de 1000 clichés sur une charge. Je pense jamais à le charger ou presque. Puis à un moment donné, je me dis, il a perdu une ligne, je vais le charger au cas, mais... T'as jamais besoin de le charger tandis que celui-là, à peu près, c'est vraiment la grosse faiblesse. Après une journée ça ou deux, venir, tu ça dois avec, le charger. Probablement. Oui, c'est ça. Sauf que la grosseur est un peu de ta limitation aussi, parce que tu peux pas avoir une pile gigantesque là-dedans non plus. Là. Ben, elle est pas beaucoup plus petite que, mettons, ma pile de 72. Non, c'est là. Ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé. Non. Tu vois, la c'est sûr qu'elle est un peu plus petite, mais pas tant que ça. Puis... Tu te dis, mon Dieu... Oh, moi, c'est une bonne différence avec ma... C'est presque le double de ça, moi, pour ma 5D. Moi, ma 5D Mark II, c'est pas trop loin de ça. Ouais, peut-être... Un point et demi facile, en tout cas. Ouais, 40-50%. Je dirais que c'est peut-être. Un tiers plus mais tu sais, considérant l'avancée des technologies de pile des dernières années... Ah oui, ça, c'est une question. Ça serait tenté un peu plus. Ouais. Puis, disons... Ça aurait été bien un sweet spot de 500, ça aurait été pas pire. Ouais. Mais bon. Au moins, les piles sont pas trop chères. Fait on peut. On en trouve à quoi? 40$? 40$ à Dorama, BH Photo. C'est pas si mal. Une centaine de dollars, moi, à peu près, la pile. Ben, c'est ça. Moi, j'avais réussi à en avoir une à 65$ pour mon 60D. Mais j'avais payé 2 pour 120, moi. OK, ben c'est bon. Oui, c'est excellent. C'est à peu près le prix. Mais c'est ça. Mais à l'unité, c'est à peu près. C'est pas loin de 100$ chaque. Oui. Mais c'est ça. Chez B&H, Adorama et compagnie, on parle de 40$ pour une pile pour l'assiette ou mais reste, il y a une chose que vous avez dit qui moi aussi m'intrigue bien gros, c'est de voir la réplique des deux autres. Oui. Ah oui, définitivement. Ils vont-tu faire comme « mais on s'en fout parce que nous autres, on a déjà mieux » ou vont-ils vraiment… Ouais. Hein? D'après moi, ça sera peut-être pas cette année par contre. Ouais, on va voir. Il y a le gros salon de la photo, c'est plus à l'automne, je pense. La photo Kina, cette année, moi, c'est aux 2 ans, justement, je checkais ça tout à l'heure, puis c'était cette année. Hein? Donc, peut-être qu'ils préparent quelque chose, justement, parce que c'est là qu'ils ont le plus d'exposition. Oh! Hey, ouais. Mais t'avais des trucs un peu, toi, tu voulais... Dans le fond, tu sais, oui, OK, moi, je suis peut-être pas 100% vendu, mais il y a quand même quelques affaires qu'on peut penser. C'est intéressant, ben, ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit, tu sais, dans des trucs, qu'est-ce qu'on décide entre mirrorless et un DSLR, dans le fond? Mm-hmm. Le premier argument qui a été le vôtre, la grosseur et le poids. Mm-hmm. Définitivement, je pense que quelqu'un qui décide entre les deux, je pense que personne ne va se soutenir en disant qu'ici, les mirrorless sont gagnantes complètement là-dessus. Ça, là, le boîtier seul là, pèse 400 quelques grammes. C'est ça, là, je veux dire, c'est la différence, ouais. La grosseur, tout le kit. Puis là-dessus, par contre, je veux dire, ton asset est très, très confortable à tenir, t'as une bonne poignée, etc. Ça, c'était ma crainte, en fait. Oui, ben moi, je te comprends. Moi, je le savais par le Nexis, j'aimais beaucoup la prise en main, parce que c'est léger, fait que t'as moins besoin que ta main soit vraiment, tu sais, que ça soit aussi long, mettons, que certains bridges là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais non, la prise en main est facile parce que l'appareil est léger. L'autre chose, ben encore une fois, c'est ce qu'on a parlé, c'est le focus. Le focus, par contre, le problème qu'on a, c'est que comme tu es mirrorless, tu es obligé d'utiliser la détection du contraste qui n'est pas tout à fait aussi détection. Il y a par phase aussi sur l'asset. Mais en général, je parle. Oui. L'asset est peut-être l'exception à la règle, mais en général, c'est pas le cas pour les autres. Donc, c'est moins rapide, moins efficace. Fait que de ce côté-là, par contre, les DSLR ont un très gros avantage. Fait que disons que c'est pas parfait, mais ça va venir. Comme tu dis, sur elle, les autres vont l'avoir aussi éventuellement. Mais c'est une question de temps. En toute franchise, en toute honnêteté, je dois dire que justement, la détection par phase sur le Canon 70D est de loin supérieure à celle du A7. Moi, j'en doute pas. Ça se compare pratiquement pas, là. C'est beaucoup plus rapide. Par contre, bon, à part quand je fais de la photo de mes enfants, j'ai pas vraiment besoin d'une mise au point ultra rapide parce que je fais beaucoup de photos de produits, justement, où je vais faire un peu de paysage ou d'architecture. Ça dépend. T'sais. Sinon, ben, je leur dis, bon, souriez, restez là, puis c'est pas, je vais pas faire beaucoup de photos pendant que mes enfants courent à gauche et à droite, là. Donc, j'essaie aussi de m'installer. Ouais, ben, ça dépend de la condition, de ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Ou on peut essayer de justement créer des conditions. Sinon, ben, on essaie de. C'est toujours on la vit meilleure avec, chose. Là, c'est ça. Donc, enfin. Un autre argument, ben ça, je lisais ça un peu sur Internet, puis ça m'a intrigué, mais j'avoue qu'il y a quand même un bon point, c'est la visualisation des images aussi. Mm-hmm. Parce que, bon, l'un versus l'autre, ben ce que moi, j'haïs pas, entre autres, c'est quand il fait clair, puis t'as de la misère à voir un peu dehors, ben le viewfinder, le viseur d'une DSLR, elle peut être très commode justement dans ce côté-là, où qu'on permet avec des bonnes couleurs de voir facilement ce qu'on est, ce qui n'est pas toujours le cas de l'écran. Quand les hybrides n'ont pas tous un viseur. Non, c'est une des limitations. Ouais. Fait que de ce côté-là, la DSLR est un petit peu gagnante par rapport à ça. Mm. Stabilisation d'image, ben ça dépend. Parce que évidemment, ben il y en a un qui l'a, il y en a qui l'a pas. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal légal d'un côté comme de l'autre parce que il y a pas de ils sont pas de séparation claire. Non, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Souvent ça va dépendre de l'objectif. Exact. Ça peut être l'objectif, ça peut être l'appareil, ça peut. Ouais. Fait, y a pas de gagnant ni d'un bord ni de l'autre. Là, je pense de ce côté-là. Même chose. Par contre. Oui. Je sais pas si je peux. Oui. Ben t'es là pour ça, je pense. Ouais, mais ça se peut que je me trompe. Fait que ça, je le sais pas, mais me semble. Étant donné que l'appareil est plus léger, est-ce que ça aiderait à stabiliser? C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, un appareil, OK, parfait. Ouais. Moi, je dirais que c'est exactement si ta main tremble, elle va avoir un plus gros effet sur l'appareil léger que sur l'appareil lourd. Moi, c'est ce qui m'agace, justement, quand je disais un peu, ça m'est arrivé quand t'as un objectif qui est un peu trop grand puis ton appareil est trop léger, ça débalance, c'est désagréable. C'est une des raisons pourquoi, moi, j'ai une 24 105, puis moi j'ai de la battery grip, moi j'adore ça parce que je trouve que ça y donne justement une excellente balance avec je la sens pas, moi je le vois pas le problème avec ça, mais il y en a qui aiment pas ça. Ouais. Puis c'est ce qui m'avait fatigué un petit peu de la 99 quand il me l'a passé, parce que l'objectif 24-70 c'était magnifique, il était tellement lourd qu'on avait l'impression que la caméra tombait toujours vers l'avant. C'est un détail, là. Je veux dire, je me serais habitué et tout ça, mais je la trouvais débalancée. Une parenthèse, Benoît, ils vendent une poignée à batterie. Oui, tout à fait, pour le 7 et le 7R, puis j'y pense. Tu verras. Moi, moi j'avoue que je serais pas capable de vivre sans poignée. J'aime beaucoup ça, je dois dire que j'aimais beaucoup ça sur ma 5D Mark II. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, ça va ajouter du poids. Ouais. Ce dont tu essaies de te débarrasser. Tout est dépendant de. Tu sais, comme moi, j'aime beaucoup faire de la photo de portrait. Fait que la photo de portrait, c'est dans l'autre sens. Fait que dans ce cas-là, dans la verticale, la poignée est même pratique. C'est très, très pratique. Fait que. Pour ça, ouais, parce moi, qu'il y a un dédoublement de boutons, hein, je pense. Exact. Tous les boutons sont à la bonne place, c'est aux bonnes choses. Fait que moi, t'es obligé de te tordre les bras. Exact. Ouais. Exact. La qualité d'image, je pense que là-dessus, par contre, il n'y a aucune vraiment différence. Là. Je regardais les photos un peu de ta 7 versus ce qu'on disait tout à l'heure, une 5D Mark III est capable de faire. Puis je pense pas que... Tu sais, il y a peut-être sur des côtés, mettons, l'ISO va être meilleur, des affaires comme ça, là, mais regarde, c'est une question de temps. Je pense pas que la qualité d'image en tant que telle est assez différente maintenant entre DSLR et mirrorless, que c'est vraiment un problème. Ben, c'est pas mal égal. C'est dans les optiques là, que ça se joue. Oui. Là. C'était mon prochain. Ah. c'était mon lien. c'était mon prochain. Ben, ça, c'est un côté que, ben, il y a certains mirrorless qui sont quand même assez bons, dans le sens qu'il y a beaucoup d'une gamme d'optiques qui commence à être intéressante. Les Panasonic, les Olympus, commencent à en avoir beaucoup ouais. des objectifs. Ça, c'est intéressant. Fuji aussi. Fuji. Sony, ça s'en vient. Ben, pas pour la 7, là, mais je parle pour la Nex. Il y en a quand même pas mal aussi. Fait que ça commence à être intéressant. Même pour la 7, il y a les rumeurs de celle-là, de 70-200 F2. Ouais. Oh, quand même. Et on va en parler tout à l'heure. Il y a Samyang qui se lance aussi dans la production d'objectifs pour Alpha et Nex. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est juste que, encore une fois, ben, comme je disais un peu tout à l'heure, ben, les DSLR ont l'avantage de beaucoup d'années. Il y a encore plus de choses. Fait que, je sais pas. Tu sais, moi, dans le fond, tout ça, tout a rapport avec c'est quoi vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Dans votre cas, c'était de réduire le poids, fait que c'est ce que vous préférez. Moi, je peux pas vivre sans lecteur. Encore sans viseur optique, fait que je me vois pas sans DSLR pour le moment. Parfait. Le débat continue. Oui. Ouais. Puis il n'y a pas de réponse miracle ou magique pour c'est qui que ce soit. C'est votre choix. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas vous faire dire par quelqu'un d'autre ce que vous voulez. Je parlais il y a. Ben, sauf peut-être Benoît. Si sauf Benoît avec un 2x4. mais je parlais d'objectifs Samyang tout à l'heure. Ouais. C'est ça, il y en a 5 qui ont été annoncés pour les Sony A7, A7R et qui vont être compatibles évidemment avec. Parce qu'on appelle ça le E-mount, la monture E de Sony. Donc on parle d'un 14 mm f2.8 autour de 493 €. 24 mm f1.4 à 669 €. Un 24 mm 3.5 à bascule et décentrement à 979 €. 35 mm f1.4 à 599 € et 85 mm f1.4 à 379 €. Mais est-ce que je me trompe en disant par contre les Samyang c'est tous des objectifs manuels? Bonne question, je sais pas, mais à date, en tout cas... Samyang, en général, c'est pas mal l'objectif manuel, ouais. Je crois. Et en plus, ce sont tous des primes, là, des focales fixes. Moi, donc, c'est ce que j'ai. Il y a trois... Ils ont vendu ça sous trois noms différents, à ma connaissance. Rokinon, Samyang, puis une autre, je me rappelle, Bauer. Okay. Moi, c'est j'en ai une Bauer, qui est une 8 mm. Puis on parle d'un objectif complètement manuel. Là, ouais, c'est ça. À Rokinon, je pense qu'ils font même pas d'automatique. C'est tout des manuels. Bon. Mais c'est pas grave. C'est une simple constatation. Là. Et toujours dans les appareils hybrides ou sans miroir, pour employer un anglicisme, Christian, t'en avais vu un avec une assez grande ouverture. Merci. En fait, je pense que tu voulais dire un objectif hybride. Des appareils hybrides. Ouais, pardon. Ben, on est toujours dans les appareils hybrides, donc dans les objectifs hybrides. Alors, tu en as vu un qui avait une ouverture assez spectaculaire. F0.85. Ça t'avait d'avoir juste un morceau de verre. Oui, c'est objectif 40 mm Ibelux. Je ne connais pas. Je n'ai pas entendu parler. C'est la première fois que j'entendais ça. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Il semble long, hein, cet objectif. Ouais, quand même, pour un simple un 40 mm, c'est quand même assez long. Moi, je me serais attendu pour avoir une telle ouverture à presque un pancake, pour avoir le... Ouais. Tu sais, mais non, peut-être que... Selon le marketing, c'est le meilleur appareil le plus rapide. Mais d'après l'article, il y a plutôt Leica, Leica, oui. Un une focale de 65 mm à 0.75. Ah. Oui, mais le prix doit être légèrement différent. Oui, je m'en doute un petit peu. Mais quand même, c'est assez impressionnant, puis je me dis que ça pourrait avoir beaucoup d'utilité. Ah, et ça va être offert pour justement la série NEX, le Fuji, la série X, Canon OESM, puis la plupart des micro 4 tiers, quand même intéressant. Oui, regarde, je pense que... mais on parle de quoi? 2000$. Oui, bien là, regarde, à un moment donné, c'est sûr que ça vient à un prix. Là, c'est clair. On s'en cachera pas, mais regardez les appareils, regardez les objectifs. Là, mettons, si tu prends 85 mm à 1.2 de Canon, c'est près de 2400, 2500, je pense, ou peut-être 3000. Ouais. Mais en tout cas, c'est très, très cher. Ouais, là, fait que c'est pas surprenant vraiment. Là. Parfait. Ah, bien, ceci va conclure ce 46e épisode, le premier de 2014. Merci François. Merci Steph. Merci Christian. C'est toujours un plaisir. Merci Benoît pour ta visite. Merci. Il n'y a pas eu de mur cassé cette fois-ci. Non, mais on apprécie. Non, mais regarde ta porte. Et Benoît, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les internets? Ouais, ben écoute, sur Twitter, Ben Da Geek. Sinon, si vous voulez voir mes photos depuis la dernière fois, je les ai mis en ligne sur Society 6. Donc, cherchez tout simplement mon nom, Benoît Gagnon, vous allez trouver du matériel. Et sinon... On peut te voir à Monsieur Net. Monsieur Net. Sur les ondes de Musique Plus au Québec. Tout à fait, Radio Talbot et Blog de Best Buy aussi. Et branchez-vous aussi. Ah oui, c'est vrai. T'es rendu aussi partout que moi. C'est... Non, quand même. Non, je suis pas capable. Ah ben merci beaucoup, chers auditeurs. Et pour nous rejoindre, vous envoyez vos questions, commentaires et suggestions à podcast@objectifnumerique.com. Vous nous envoyez vos photos pour le 10e défi. Une touche d'humour et un prix de blurb à gagner. Puis il faudra bien s'en refaire un, nous aussi, un autre défi. Oui, là. Oui, on en a fait un seul. François nous a clenché avec sa ruelle de Boston. Tellement. Ah, nous aurons notre vengeance un jour. Un jour. Mais je pense que je vais mélanger les initiales juste pour le fun. Voir si le vote est influencé par quelqu'un. N'hésitez pas aussi à joindre la communauté Google+, photographe amateur au pluriel. On est rendu à 740 membres. Hey, ça monte à tous les jours presque. C'est incroyable. Venez publier vos photos, partager, puis donner vos commentaires sur les photos des autres ou demander des commentaires pour vous aider à améliorer votre photo. C'est vraiment génial comme groupe. Tout le monde est poli, courtois. Moi, je trouve ça... C'est sur Internet, là, tu parles? Oui. Ouais. Benoît vient de faire exploser le micro. Je m'excuse. Juste pas habitué. Merci et à la prochaine.